On va parler des Saguenayens de Chicoutimi. Ben, les partisans des Saguenayens sont sûrement contents que Raphaël Harvey-Pinard a été retranché. Lui doit l'être un peu moins. Par contre, question de savoir comment il a pris ça au cours des 24 dernières heures. On va parler avec Raphaël Harvey-Pinard. Salut Raphaël! Salut! Raphaël, dans l'ensemble, honnêtement, je m'attendais que tu allais peut-être pas jouer un match au concours, mais que tu allais jouer, que tu allais au moins avoir un essai sérieux dans la Ligue américaine. Parce que ce qu'on a appris en fin de semaine, j'écoutais Anthony Marcotte au 91-9 mentionner qu'il te vu à Belleville, puis il mentionnait que t'avais bien fait. Ouais, mais je pense que j'ai laissé une bonne impression là-bas. J'ai joué dans mon identité, j'ai travaillé fort, puis je pense que j'ai pas de regrets. J'ai donné tout ce que j'avais, puis je retourne avec les Saguenayens avec le sentiment de l'avoir accompli, même si je suis retranché. Là. Est-ce que tu t'es monté un petit peu, tu t'es conté des histoires, le fait que Joël Bouchard t'a mis sur le premier trio, à la place de Joël Tésitin? Je me suis pas fait d'histoire, tu sais. Je savais que, tu sais, je pense que le plan initial, quand j'ai été repêché, Trevor l'avait dit que ça allait me retourner avec les Saguenayens, donc je me faisais pas d'histoire. Mais, tu sais, c'est sûr, ça m'a donné comme une tape dans le dos, puis, tu sais, je croyais à mes chances en rendu là, c'est sûr. Mais, tu sais, retourner avec les Saguenayens, c'est tellement pas une mauvaise option. Je pense qu'on va avoir une équipe incroyable. Fait que... Ah, regarde, c'est sûr. C'est sûr. La différence entre ce que tu as vu, ce que tu as vu avec les avec la Ligue nationale et ce que tu et quand les recrues de la Ligue Junior du Québec, c'est la vitesse d'exécution, j'imagine? Ah, c'est la vitesse d'exécution. Mais je pense que c'est en fait dans les trois zones, là, c'est une coche en haut de la GMQ, c'est sûr. Là. Tout est plus rapide, la vitesse, l'exécution, c'est plus physique également. Donc il y a quand même une bonne différence entre les deux ligues. Là. OK, c'est les gars sont plus gros aussi, là. Oui, effectivement, les gars sont matures, sont forts physiquement. Tandis que dans la GMQ, je peux jouer contre des gars qui ont 16-17 ans qui sont pas nécessairement autant forts physiquement que des gars de 20-21 ans. Si on parlait de... Qu'est-ce qui reste, selon toi, pour Raphaël Harvey-Pinard pour monter un échelon, là? De ce que tu as vu, là. Je pense que je dois encore améliorer ma vitesse. T'sais, je l'ai améliorée, puis je l'ai remarqué, sa patinoire, je l'avais améliorée comparativement au camp de développement. Mais je pense qu'il reste encore d'amélioration de ce côté-là. Puis je pense aussi au niveau de la force physique. Les gars sont plus forts, comme j'ai dit tantôt, donc c'est à moi de me renforcer physiquement, puis d'arriver encore plus près au camp l'année prochaine. OK. Dis-moi, est-ce que si on parlait un peu de ton camp avec les Saguenayens, tu reviens à Chicoutimi pas trop déçu quand même? Non, c'est ça, j'ai dit tantôt, je reviens pas dessus. Pour moi, j'avais deux options, c'était soit la Ligue américaine, soit la GMQ, puis pour moi, les deux, c'est deux très bonnes options. Je retourne chez nous, je vais habiter chez mes parents, donc je vais être proche de ma famille, je vais jouer pour l'équipe que j'ai regardé toute mon enfance, donc c'est sûr, ça va être une belle expérience, puis j'ai vraiment hâte que la saison commence. OK. Ben Raphaël, on va te souhaiter la meilleure des chances avec les Saguenayens, on va avoir l'occasion de se reparler tout au long de la saison. Ben, merci et bravo, pensez qu'on a une belle expérience quand même. Merci beaucoup. Raphaël Harvey-Pinard des Saguenayens de Chicoutimi.